frais comme une embrouille. L'eau du robinet, c'est pour les grenouilles. Encore un petit verre, car on est en vadrouille. Ouïouïouï, plein comme une andouille. En revenant du match, Jander était standard. On est resté collé à un comptoir. Comme on l'avait perdu et que ça n'avait plus, on a bu pour chasser le cafard. Oui, mais quelqu'un a dit, le sporting c'est fini. Mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai bondi. Le mec qui avait dit ça, voyant que ça tournait mal, a dit j'ai payé une tournée générale. Après une demi-heure, on est allé ailleurs dans un bistrot juste en face de la gare. Une fille était au bar, un petit air bizarre, avec des yeux comme des antibrouillards. Et avec sa copine qui s'appelait Joséphine, on a vidé 2-3 bouteilles de gin. Au moment de payer et de sortir sa galette, on s'est caché dans les water-closettes. Aïe aïe aïe, ouï ouï ouï, plein comme une andouille. L'eau du robinet, c'est pour les grenouilles. Encore un petit verre, car on est en vadrouille. Ouï ouï ouï, plein comme une andouille. Hé, hey, Jeff, est-ce que t'as de l'argent sur toi? Ben, 200 francs. Quoi? 200 francs? Mais on a au moins pour 3000 balles ici. 3000 balles? Est-ce que c'est toi qui vas expliquer qu'on n'a pas un radis? Moi? À ton avis, dis-le toi, les femmes c'est ton rayon, hein, dis. Madame, y a un petit problème ici. On n'est que deux pauvres travailleurs qui voulaient faire un dick and neck. Et c'était pour demander si on pouvait faire du... pouf. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Comment va ma sœur? Bien, merci. Oui, elle n'a sûrement pas compris. Aïe, aïe, aïe, ouï, ouï, ouï, plein comme une andouille. L'eau du robinet, c'est pour les grenouilles. Encore un petit verre, car on est en vadrouille. Ouï, ouï, ouï, plein comme une andouille. Tout est arrangé, vite hors de ce café. Si on court, on sera vite derrière le coin. On se croyait peinard quand un grand malabar nous a foutu son poing sur le cigare. Ouï, ouï, ouï, et moi j'ai encaissé un coup de poing sur le nez, mes fausses dents. Jouer les castagnettes. Ma cravate arrachée, mon froc tout déchiré, j'avais des trous comme ça dans mes chaussettes. Aïe aïe aïe, ouïouïouï, plein comme une andouille. L'eau du robinet, c'est pour les grenouilles.